Génération 80-90, je constate que nous avons pleuré dans les banlieues, jeunes qui te bahut pour devenir dealer. Mais où va le monde? Où va la jeunesse de France? Va devenir glorieux dans le travail, alors trafic, musique et danse. Le hip-hop attire les jeunes, même des jeunes de quartiers riches. De plus en plus de menteurs, de plus en plus de MC qui trichent. Moi, mon rap, il est vrai, que personne vienne le tester. Ça commence comme ça, besoin toujours de clasher pour s'affirmer. La rage entraîne de nombreuses plumes dans des petits ghettos. Et les mythos en profitent pour poser des morceaux urbains et commerciaux. C'est aussi ma génération, embrouille égale micro-réflexe. Et j'en ai fait taire certains à grands coups de dev sur Clash Test. Pour mes proches, je voulais dédicacer, mais je bossais toute la journée. Alors je grattais le papier pour raconter nos vies toute la soirée. À 7h du mat, Saint-Paul, le crew disait: putain, c'est de la bombe. Une seule idée dans la tête, c'était rapper sur FM Mégazonde. Je prépare mon coup, j'ai pris trop de coups. Les potes nous portent jusqu'au bout, et à la fin, c'est nous qu'on nique tout. Tu testes une fois un genou au sol, c'est mort, mais c'est pas de bol. Tu veux me faire arrêter ou m'enterrer? Appelle vite Interpol. On nous a lâchés dans un sale milieu hostile, dans un monde où personne pouvait saquer notre style. Marre d'être tout le temps blasé, on est venu viser les sommets. Man, c'est pour ça que tous mes soldats sont armés. Génération Clash dédicace, ferme ta gueule, sois de la masse. Pour le rythme inspire, toi tu piques, pense plus à rien, vas-y casse. Toi tu débarques et tu m'emballes, tu veux jouer au mec vandale. Mais si ton rap est trop banal, tu rentreras jamais dans les annales. Génération Clash dédicace, c'est pour mes amis dans la place. Le rythme, je m'inspire du beat, je pense plus à rien, c'est la classe. Moi mon flow, je déballe, imprévu en plein milieu du bal. Mon rap est peu banal et rêve de passer sur le canal. Je vends mon rap comme un poison et ils ont pas trouvé le vaccin. Quoi ça sert les tonnes de coke si tu finis dans un bassin dans nos rues? Le H5N1 te tend la main, ouais, parce qu'ici les cailles prennent les poulets pour des dindes. Ce couplet, c'est pas le casse du mois, mec, c'est le casse du siècle. C'est pire que les patates de Cassius Clay. Et sache que mon rap n'est pas suspect et qu'il y a toujours le succès au bout du suspense. Nos jours, ça pense qu'il y a clashé à tout niquer. Mais qui suis-je pour parler? Je suis le premier concerné. La haine remplit les lignes de nos textes, jette nos esprits et s'empare de nos têtes. La haine remplit les poches de nos idoles. Alors ensuite, protocole pour décrocher pactole. Je suis pas venu pour tourner autour du pot, mais j'ai la rage parce que les pétés, tu ne se crois au-dessus du lot. On est lancé, vous aurez plus jamais la paix une fois ouverte. On fermera plus jamais la plaie, je suis là pour rapper. Pas pour palper, je vais pas te le rappeler. Mais trop de rappeurs s'en tapent, y'a quoi pleurer. Trop ont craqué, trop n'ont pas assuré. C'est sûrement pas mon rap qui va les rassurer. La survie est en sursis et l'amour est incarcéré. On ne peut en aucun cas s'aimer. Génération Clash dédicace, ferme ta gueule, sois de la masse. Pour le rythme inspire, toi tu beat, pense plus à rien, vas-y casse. Toi tu débarques et tu m'emballes, tu veux jouer au mec vandale. Mais si ton rap est trop banal, tu rentreras jamais dans les annales. Génération Clash dédicace, c'est pour mes amis dans la place. Le rythme, je m'inspire du beat, je pense plus à rien, c'est la classe. Moi mon flow, je déballe, imprévu en plein milieu du bal. Mon rap est peu banal et rêve de passer sur le canal. Génération Clash dédicace. Mon rap est peu banal et rêve de passer sur le canal.